écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, vous êtes bien sur les 106,6 MHz de Radio Campus ou sur campuslille.com et vous vous apprêtez à écouter une émission proposée par Attaque Métropole. Je vais parler d'angle d'attaque, bien sûr. Angle d'attaque et attaque, c'est A2TAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Eh bien, justement, à propos d'action citoyenne, nous avons la chance d'avoir au téléphone un citoyen qui agit. Je vous présente d'abord l'équipe au grand complet. À la réalisation, à l'agenda militant, au choix de la chanson, c'est Florent. Autour de la table, René Lascience, Ludovic et Louis et Christian, présentement au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui avec le citoyen annoncé? Je vais quand même deux annonces qui nous ont fait plaisir. Bon, c'est quand même Notre-Dame-des-Landes. Ah, René va en parler tout à l'heure. On a gagné quand même, faut le dire. Et puis, oh bon, ça ne fait pas plaisir plus que ça, mais on sait quand même les 20 ans d'attaque, on en reparlera également tout à l'heure. Bon, alors de quoi parlons-nous aujourd'hui avec notre invité? Eh bien, le titre de l'émission, Migration, Macron pire que Sarko, anticipe à peine sur les décisions qui vont être prises en direction des migrants, et déjà certaines qui sont prises, dans la future loi Immigration et Asile. On a déjà une idée avec la fuite concernant les fameuses visites administratives dans les centres d'hébergement. Autrement dit, nous nous intéressons prioritairement au sort des migrants. Et pour en parler, nous accueillons un membre du conseil scientifique d'attaque. C'est déjà une qualité, mais doublé d'un acteur de terrain, notamment à Calais, avec une expérience précieuse qui va nous permettre de comprendre, et vous allez nous faire comprendre, la situation des migrants et le rôle des associations. Bonjour Philippe Boisson. Bonjour. Merci de participer à cette émission et à notre proposition de travail ensemble. Tu es porteur de ce qu'on appelle les passeurs d'hospitalité, je ne me trompe pas? Oui, oui, oui. Et tu vas nous en parler, bien sûr, mais tu vas aussi nous parler de l'hospitalité à la Macron française. Mais auparavant, Ludovic est allé chercher quelques chiffres pour nous éclairer sur la situation de la migration en France et des migrants. Eh bien, Ludovic, tu vas y aller? On va les commenter ensemble, si tu veux bien. Oui, alors depuis les années 80, et tout particulièrement depuis 2015, avec la crise dite des migrants, qualificatif au demeurant discutable, on y reviendra dans l'émission, la thématique de l'immigration et des migrants est de plus en plus présente dans le débat public en Europe et tout particulièrement en France. Non pas toute l'immigration, ni même l'immigration visible, mais dans le cas de la France, celle qui vient du Maghreb, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Afrique subsaharienne ou de la Corne de l'Afrique, en majorité musulmane. S'agissant de la France, le débat est d'autant plus passionné que nous accueillons de longue date de nombreux migrants de ces régions du monde. En effet, leur part a progressé en l'espace de 40 ans. En 1975, 20% seulement des immigrés vivant en France venaient du Maghreb ou du reste de l'Afrique. En 2012, le pourcentage atteint 43% et dans le même temps, la part des origines européennes parmi les immigrés a reculé de 66 à 37% du fait du tarissement des migrations à la fois espagnoles et portugaises. Un changement d'une telle ampleur dans les origines de l'immigration est évidemment perçu par l'opinion publique et elle l'est d'autant plus que l'islam est devenu depuis quelques années plus visible, notamment chez les jeunes nés en France, d'un ou deux parents immigrés, et le débat sur cette question s'enflamme. On pense bien évidemment à l'affaire du Burkini et aux différents propos des politiques qui instrumentalisent cette question. Dans le même temps, l'UE, notamment à partir de 2015, a vu affluer des centaines de milliers de civils syriens, afghans, irakiens, sud-soudanais, etc., qui, au péril de leur vie, ont traversé la Méditerranée dans l'espoir de gagner des pays comme l'Autriche, l'Allemagne, les pays nordiques, l'Angleterre, plus rarement la France, et générant malheureusement des morts. Hein. On comptabilise 3300 noyés en 2014, 3800 noyés en 2015 et plus de 5000 en 2016. Dans le même temps, la France était confrontée à une série d'attentats islamistes, comme vous le savez, à partir de 2015. Donc il y a un amalgame qui se fait entre d'un côté immigration, migrants, islam, radicalisation, terrorisme. Et donc c'est de toutes ces thématiques dont on voulait parler et peut-être essayer de refroidir un peu le débat qui est très passionnel dans notre pays en mettant en avant des chiffres et des faits qui ont été dûment établis par différents organismes. Et donc c'est contre ces idées reçues, un certain nombre d'idées reçues, notamment sur l'invasion, il y aurait une invasion, ce qui est totalement faux, et on va le démontrer dans l'émission, que nous avons choisi de faire cette émission. Alors, pour donner quelques chiffres, ne serait-ce que concernant la France, en dépit effectivement du volontarisme affiché de nos politiques, y compris de notre cher ami Macron et aussi avant lui de Sarkozy, le nombre d'immigrés extra-européens entrant annuellement dans l'Hexagone tourne avec une remarquable stabilité autour de 200 000 personnes par an. Voilà, le chiffre, je pense qu'on peut déjà commencer par là. Depuis le début des années 2000, ça représente 0,3% de la population totale, et qui situe l'Hexagone dans la moyenne de l'Union européenne, voire dans une moyenne relativement basse. Donc voilà, on a déjà un premier chiffrage qui déjà peut-être tend à, en tout cas, à dédramatiser, si drame il y a, en tout cas, pour partie de nos concitoyens, il y a une forme de dramatisation de ces questions. Donc c'est finalement très peu de gens qui arrivent sur nos qui reçoivent un titre de séjour. Voilà, je laisse après là. Une première réaction sur ces chiffres, sur le chiffrage là. Oui, d'une part, ça veut dire qu'il y a de toute façon de l'immigration dite régulière. Ou d'immigration qui correspond à un droit. Et c'est vrai que s'il y a une focalisation par rapport à certaines formes d'immigration, c'est aussi parce qu'une bonne partie des gens qui arrivent relèvent du droit d'asile et relèvent de conventions internationales et pas de quotas ou de décisions comme celle qui a été prise dans les années 70 d'arrêter l'immigration de travail, par exemple. On a donc des gens qui ont légitimité au terme de la Convention de Genève à franchir des frontières pour réussir à se mettre à l'abri et à trouver l'asile, et une obligation de la part des États de les accueillir. Donc les politiques européennes en ce moment, c'est empêcher ces gens-là de rentrer, c'est les cantonner dans des pays extérieurs à l'Union européenne, et à partir de là, passer dans une logique de quotas. C'est un peu le projet français-européen par rapport au Niger, par exemple. Donc, examiner des demandes d'asile, ou faire au moins un pré-examen des demandes d'asile au Niger, où les gens seraient regroupés dans des camps, prendre des gens sur un mode discrétionnaire, on choisit combien on en prend, on choisit le profil, on choisit ce genre de choses, et puis les faire venir et empêcher par contre au maximum ces gens qui sont porteurs de droits, donc il va bien falloir accueillir, les empêcher d'entrer et de demander l'asile sur le sol européen. Par ailleurs, en parallèle de ces politiques de fermeture des frontières, il faut quand même remarquer qu'il y a aussi une précarisation des titres de séjour pour les personnes qui sont déjà sur le territoire français ou européen. Donc on a une politique de précarisation qui fabrique des sans-papiers. On a aussi, par rapport à des États européens, qui sont ceux des Balkans, une politique assez singulière. Ces pays, certains ont déjà intégré l'Union européenne. Je pense à la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie. D'autres sont en voie d'adhésion. Mais en fait, on pourrait imaginer, par rapport à ces pays qui sont des pays d'émigration, dans lesquels toute une partie de la population ne trouve pas de débouché dans leur pays, donc quitte le pays pour trouver des opportunités ailleurs, on pourrait penser que l'Union européenne met en place une politique d'accompagnement, que ces gens puissent émigrer, travailler, éventuellement rentrer chez eux avec un petit pécule, etc. Et que finalement, l'espace européen se tisse comme ça, et on a une politique qui est inverse, en fait. Qui a pour premier résultat que les gens migrent quand même, mais dans un cadre irrégulier, donc viennent bosser au noir dans l'Union européenne. Et on a des mesures dans le processus d'adhésion qui prolongent, au-delà de l'adhésion, cette situation. C'est-à-dire quand la Roumanie et la Bulgarie, puis la Croatie ont rejoint l'Union européenne, il y a eu, après l'adhésion, un temps de non-accès au marché du travail ou d'accès réglementé ou limité au marché du travail, qui fait que les gens émigraient déjà, étaient déjà là, mais ne pouvaient pas migrer dans un cadre légal et venaient donc alimenter le stock entre guillemets de sans-papiers présents dans l'économie de l'Union européenne. Donc il y a quand même des choses en termes de détricotage des droits et d'entretien d'un stock de main-d'œuvre à bas coût, à bas prix, de main-d'œuvre ultra précaire, qui est relativement constante dans les politiques françaises et européennes, et du coup qui est difficilement chiffrable, puisque les gens ne sont pas là dans un cadre légal, donc ne sont pas recensés, et qui méritent d'être interrogés, y compris dans l'aspect médiatique des politiques menées, c'est-à-dire tout le focus qui est fait sur les quelques 15 000 personnes identifiées comme Roms, qui de manière stable sont en France, avec une médiatisation, une politique d'expulsion de campements, tant que ça a été possible, une politique d'expulsion du territoire, avant que la plupart de ces personnes, en tout cas pour celles qui étaient roumaines, ne deviennent des citoyens et citoyennes européennes. Il y a toute une politique qui a été menée par rapport à une population très peu nombreuse, mais qui quelque part détourne le regard de la réalité des migrations en provenance des Balkans ou en provenance de pays de l'Est européen. Donc on a une situation très très complexe avec des focus médiatiques sur certaines populations, mais qui cachent peut-être d'autres aspects. Les nouveaux arrivants sont ce qu'on appelle des migrants qui sont ultra médiatisés, mais du coup toute la précarisation des titres de séjour et la fabrication de sans-papiers ne l'est pas. On parle des Roms, mais on ne parle pas d'autres migrants intra-européens. Et un peu le sentiment qu'on a une manière de détourner le regard, de détourner l'attention, de détourner le débat, en fait, en focalisant sur certains aspects rendus plus visibles du fait des conditions de non-accueil de gens qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent à vivre dans des campements, dans des bidonvilles, dans des situations hyper précaires. Oui, alors il y a aussi enfin, quelque chose qu'il faut noter, je pense. La première, c'est que les organismes internationaux, tels que l'ONU en particulier, peut-être même l'OCDE, ont des attitudes tout à fait différentes et sont beaucoup plus sur l'idée qu'il faut mieux accueillir les migrants, parce qu'on considère que les migrations sont de toute façon certainement inéluctables d'un côté, et de l'autre, elles sont plutôt une richesse que un appauvrissement, notamment quand on ferme les frontières, évidemment. Et puis, il y a l'autre aspect qui est un peu sous-jacent dans ce que tu dis, en disant qu'on joue sur la visibilité. Les politiques ont aussi à satisfaire une partie de leur population, de leurs électeurs, qui sont, vu l'extrême droite par exemple, vent debout contre toute migration, et on a beaucoup plus une attitude d'essayer de lutter contre, d'essayer de lutter contre des perceptions, et c'est beaucoup plus difficile que de lutter contre la réalité des chiffres. Oui, mais en même temps, il y a quand même un signal relativement optimiste dans la population française, et on a pu le voir aussi en 2015 en Allemagne, c'est quand il a été question de faire venir des réfugiés syriens en France, ça devait être en 2013, il y a des collectifs qui sont formés localement pour se préparer à accueillir ces réfugiés syriens qu'on allait faire venir des pays voisins de la Syrie. Et ces collectifs ont attendu vainement en fait que leurs réfugiés arrivent la plupart du temps, puisque les arrivées ne se sont faites qu'au compte-gouttes. Et puis quand on a eu la dispersion des exilés de Calais un peu partout en France, dans des centres d'accueil d'orientation, puis ceux de Grande-Synthe, ceux de Paris, notamment lors des expulsions de campements dans le nord de Paris, on a vu aussi que localement, autour de ces centres, il y a des bénévoles qui se mobilisaient, parfois en lien avec les municipalités, qu'il y a des associations qui se mobilisaient. Donc il y a aussi une France de l'accueil. Donc on a deux voies, finalement. On ne sait pas numériquement ce que l'une et l'autre représentent dans, dans la population, mais il y a effectivement une parole qui est considérée comme légitime, qui est celle du riverain qui n'est jamais content, qui a peur, qu'il faut ménager, donc une opinion plutôt du repli, voire de la xénophobie, qu'on prend en compte, et puis une partie de l'opinion qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus favorable à l'accueil, est prête à s'y engager. Ça se voit par les mobilisations de bénévoles qu'il y a pu y avoir autour de Calais, de Grande-Synthe et des centres d'accueil, d'orientation, etc. Et cette partie de l'opinion serait finalement réduite à des associations utopistes, voire dérangeantes, stigmatisées et parfois dont les bénévoles peuvent être poursuivis au nom d'élite solidarité, enfin sous différents chefs d'inculpation, et peuvent être dans certains contextes, alors c'est le cas à Calais, c'est le cas à la frontière italienne, peuvent être sous une pression policière forte, quoi. Oui. Oui, concernant cette question de la perception qui est absolument essentielle politiquement, ce que l'on peut souligner, puisqu'on a débuté l'émission en donnant un certain nombre de statistiques, c'est que les statistiques dont on dispose ne sont pas une et unique, elles sont plurielles. Et on peut notamment souligner que les statistiques disponibles auprès de l'Organisation internationale pour les migrations, qui est rattachée à l'ONU, ne sont absolument pas celles dont on dispose auprès de Frontex. On sait notamment que Frontex, pour ce qui est de Frontex, certains franchissements illégaux de frontières sont comptés plusieurs fois. Par exemple, lorsque les personnes entraient une première fois dans l'UE à la frontière turco-grecque, en ressortent ensuite par la Macédoine avant de nouveau d'y entrer via la Croatie ou la Hongrie. Et ces chiffres, l'usage de ces chiffres couplés aux déclarations politiques participent à faire croire que ce qui se déroule à une échelle locale et uniquement locale, par exemple sur l'île grecque de Lesbos, serait représentatif d'une situation aux échelles nationales, voire européennes. Oui, on a un gonflement effectivement des chiffres avec des personnes qui franchissent plusieurs fois les frontières extérieures de l'Union européenne, effectivement. Et puis d'autre part, on quantifie des franchissements de frontières et non pas des arrivées dans un pays, par exemple. Donc on a une vision faussée. Après, quand on parle d'un million de personnes, c'est jamais qu'un million de personnes qui arrivent dans une Union européenne qui a 500 millions d'habitants. Donc, de toute façon, on n'est pas dans une situation d'arrivée dite massive. Le Liban, c'est entre le quart et le tiers de sa population. Le nombre de réfugiés représente entre le quart et le tiers de sa population. C'est un pays qui est nettement moins riche que la moyenne de l'Union européenne. Donc, on est sur des ordres de grandeur très très différent quand on considère les pays voisins des pays en crise. Ça c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en compte dans les ordres de grandeur. À Calais par exemple, même quand il y a eu 10 000 personnes dans un bidonville, c'était 10 000 personnes à la frontière de deux États de 60 millions d'habitants, parmi les plus riches de la planète. Donc ça n'a jamais été un problème insoluble. Par contre, on a cette impression de crise parce qu'on a un bidonville, on a des gens qui franchissent ces frontières dans des conditions épouvantables, qui sont à l'époque où il y avait le corridor humanitaire qui a fonctionné entre la Grèce et le centre et le nord de l'Europe. On avait effectivement des gens qui se massaient à la frontière, qui étaient mis dans des trains, qui étaient mis dans des camps, qui passaient à la frontière suivante, etc. Ça donnait une impression d'exode, ça donnait des images d'exode qui étaient extrêmement fortes. Mais si on se pense en termes de répartition de ces personnes dans l'espace européen par rapport à la population européenne, effectivement, c'est quelque chose qui n'est absolument pas insurmontable et c'est un accueil qui aurait très bien pu être organisé d'une autre manière. Oui, pour ce qui est de l'Union européenne, une statistique supplémentaire, on peut souligner que la totalité des demandes d'asile déposées dans l'Union européenne ces 10 dernières années représente en tout et pour tout moins de 1% de sa population en 2016. Oui, mais effectivement, il y a un enjeu politique par rapport justement aux politiques européennes, qui est que ce sont des gens qui arrivent avec des droits à être là, et que c'est une partie de l'immigration qui n'est pas contingentable. Et d'autre part, on peut se demander dans quelle mesure on a des politiques anti-migratoires, c'est-à-dire qui empêchent ces gens de migrer, et dans quelle mesure on a des politiques de non-accès aux droits. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas accès à la procédure d'asile, qui se perdent dans le labyrinthe de la législation européenne et notamment du règlement Dublin 3, qui détermine le pays dans lequel on doit faire la demande d'asile, généralement le pays d'entrée et généralement des pays qui n'ont pas de politique d'accueil, on a des gens qui normalement devraient avoir accès à une procédure d'asile, éventuellement pour être reconnu comme réfugié, donc avoir accès à un titre de séjour et à un cadre légal, et qui, de fait, se retrouvent en errance et viennent alimenter le stock de sans-papiers dont je parlais tout à l'heure. Une question de René. Oui, justement, là, on vient d'aborder cette question des droits des réfugiés qui ne sont pas respectés, mais aussi, je voudrais parler un peu du délit de solidarité qui frappe finalement les personnes qui veulent aider. Est-ce qu'au plan, déjà de l'éthique, du pacte républicain et même des lois de l'hospitalité qui remontent à des millénaires, comment nos politiques peuvent-ils se justifier dans ce qu'ils font actuellement ? Alors, comment ils peuvent se justifier ? Ça, je pense qu'il faut leur demander, mais c'est devenu quelque chose d'assez banalisé. Après, quand on voit ce qui se passe à Calais, en fait, où la pression policière, c'est pas simplement des poursuites avec éventuellement un chef d'inculpation, c'est aussi... C'est aussi quelque chose qu'on retrouve à Bure, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans d'autres lieux où il y a des luttes, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la police connaît aussi les véhicules. Donc ça peut être des contrôles et des amendes pour des délits de la circulation. On surveille plus particulièrement ces gens-là. Il y a des gens de Bure qui racontaient que parfois les policiers les filmaient par leur fenêtre ouverte, qui n'est absolument pas dans les missions de la police, mais on se rend compte qu'on a une police qui est mobilisée, pas simplement par rapport à des notions d'ordre public et de commission éventuelle d'infraction, mais qui est mobilisée pour mettre une pression, entretenir une pression par rapport à des opposants politiques. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant par rapport à l'évolution de notre régime, et ça n'a pas simplement à voir avec les questions migratoires. Il y a une circulaire du ministère de la Justice qui était tombée à la rentrée 2016, en septembre, une circulaire aux procureurs qui leur exposait des mille et une manières de pénaliser, en fait, des personnes qui participaient à des manifestations. Donc là, c'était par rapport à la loi travail. Oui. Parmi les outils à la disposition des procureurs, il y en a qui étaient liés à l'état d'urgence, qu'on n'est plus du tout dans le terrorisme, et il s'agit d'un mouvement citoyen français. Donc on est dans une situation relativement, je serais tenté de dire, banalisée, qu'on retrouve par rapport aux opposants à la politique migratoire, mais aussi à tous les opposants à des projets comme le centre d'enfouissement de Bure ou par rapport aux évolutions de la législation du travail. Oui, en effet, pour revenir sur l'immigration, le problème qui est posé par René, c'est quelles que soient les politiques. Alors si on peut encore considérer l'ère Hollande comme une ère socialiste, et maintenant avec une ère ni droite ni gauche, on est vraiment sur des politiques de restriction vis-à-vis de l'immigration et des politiques policières, comme tu le dis très justement. Oui, c'est vrai que par rapport au titre de l'immigration, pourquoi remonter à Sarkozy alors qu'il y a une continuité parfaite dans les évolutions et dans le durcissement entre le quinquennat Chirac, le quinquennat Sarkozy, le quinquennat Hollande et puis maintenant le quinquennat Macron. Oui. ce qui fait que des gens comme toi, et peut-être aussi comme nous d'ailleurs, à Attac, on n'est pas si nombreux que ça quand même pour essayer de remettre les pendules à l'heure, d'une part, comme l'a fait Ludovic en entrée, quoi, en disant bah, regardez les chiffres, que m'a appuyé ensuite Louis, regardons les chiffres. Il n'empêche qu'une statistique qui n'est pas toute neuve, je reviens encore sur la perception, montrait que les Français pensaient qu'il y avait 30% de migrants en France. C'est comme s'il y avait 17 millions de migrants. C'est pas tout à fait la réalité. Il y a une perception très forte et puis qui est largement entretenue, je pense, par le pouvoir politique. Tout à fait, mais il y a effectivement une mise en spectacle d'un certain nombre de phénomènes qui peuvent donner l'impression qu'il y a plein de monde, qu'il y a une invasion. Il y a les queues devant les services des préfectures pour les renouvellements des titres de séjour, il y a ces campements qui apparaissent, on a effectivement l'impression d'un trop-plein, sauf que ce trop-plein, il est créé par la non-organisation ou par la désorganisation volontaire de l'accueil, et du coup on a une amplification de quelque chose qui numériquement n'est pas si important. Et la question des Roms, c'est un exemple. Enfin, 15 000 personnes qui focalisent des politiques publiques, des discours politiques, de l'attention médiatique et puis des mesures qu'il faut appeler de persécution, enfin, qui sont chassées de lieu en lieu, etc. Et qui, numériquement, ne représentent pas grand-chose par rapport à la réalité des migrations intra-européennes. Je voudrais passer sur un autre plan, si tu veux bien, et parler de ton rôle, toi, pour parler à Calais. Tu as parlé beaucoup de Calais, mais on sait que tu as travaillé pas mal. Quel rôle avais-tu, en fait ? Alors, à Calais, j'y ai passé 8 ans, en fait, entre le début 2009 et puis juin 2017. J'ai commencé, comme beaucoup de gens, par donner un coup de main à une association humanitaire. Ensuite, on a été un petit groupe à créer une association qui s'appelait la Marmite aux idées à l'automne 2009, qui a assez rapidement défini 3 axes de travail, qui étaient justement en dehors de la sphère humanitaire. L'une, c'était de donner des outils aux exilés. Alors, à l'époque, il y avait assez peu d'informations juridiques, donc on travaillait pas mal là-dessus. C'était des cours de langue, hein, dans les squats et les campements, et le choix d'être présent dans les lieux de vie des gens à une époque où ça se faisait peu de la part des associations. Une fonction d'information, de sensibilisation de l'opinion publique qui s'est manifestée par des tours à vélo entre les différents campements du Nord-Pas-de-Calais ou d'autres événements, et puis une fonction d'interpellation des décideurs, alors sous forme de communiqués de presse, sous forme de lettres ouvertes, sous forme de dossiers de propositions aussi, de lettres aux élus en fonction de leur niveau de responsabilité. Et puis, il se trouve que l'association a un peu explosé en vol à une époque de son histoire, s'est dissoute. Et l'un des travaux que je faisais dans le cadre de cette association, c'était de tenir le blog. Et c'est vrai que dans ce contexte, qui est aussi une question d'image, de construction des représentations, de communication, le fait d'avoir un outil qui rende compte de la réalité du terrain, qui déconstruise les représentations médiatiques et qui fournisse une information au quotidien, ça paraissait important. Donc du coup, j'ai continué avec un blog qui s'appelait Passeurs d'Hospitalité. Et ça a été un peu mon point d'ancrage à Calais jusqu'à ce que j'en parte en juin 2017. À côté d'un investissement, d'une présence sur le terrain qui par ailleurs continuait et se faisait dans une nébuleuse de gens qui travaillaient ensemble sans faire forcément partie d'une association par ailleurs, qui était une dynamique assez intéressante qui s'était mise en place à partir de l'automne 2013 en fait. Avec beaucoup de nouvelles personnes qui venaient s'impliquer et qui ne le faisaient pas forcément dans les cadres préexistants. Et tu continues ton blog, donc, sur Mediapart. Oui, donc je continue un travail de blogueur, cette fois-ci sur Mediapart, et cette fois-ci de manière plus générale par rapport aux questions migratoires. Oui. Une question de Ludovic. Oui, en parlant de Mediapart, Mediapart fait l'écho là, d'une information que je trouve assez intéressante. Ils expliquent que différentes associations vont se regrouper en un seul bloc et a priori au printemps 2018, il devrait y avoir la tenue des états généraux des migrations. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous en parler ? Oui, sachant que le mot bloc me paraît pas très exact en fait. Je reprends le titre du papier en question. Il y a effectivement devant l'impasse de politique migratoire qui se durcisse, il y a eu une proposition de la part de quelques 400 associations faite au président Macron nouvellement élu d'avoir une convention co-organisée avec l'État pour redéfinir les orientations des politiques migratoires. De la part du nouveau président et de son gouvernement, ça a été une fin de non-recevoir. Donc du coup, les associations ont décidé d'organiser sans le gouvernement des états généraux qui sont pas conçus comme un événement ponctuel, mais comme un processus de débat dans la société, localement, avec des temps de convergence nationaux, dont un, effectivement, est annoncé pour le printemps 2018, mais dont on peut penser qu'il ne sera pas le seul. Il s'agit de mobiliser cette opinion solidaire, de réfléchir ensemble à d'autres politiques possibles, de faire aussi un constat de la situation, qui soit un constat partagé. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'il y a un énorme pluralisme dans les associations, qui vont d'ONG humanitaires internationales à des petites associations locales qui éventuellement ont un accent humanitaire aussi, mais pas forcément, et puis des organisations qui travaillent beaucoup plus sur l'accès aux droits, sur l'antiracisme. Donc voilà, tous ces gens-là ont réussi à tenir ensemble dans leur diversité pour organiser cette démarche commune, et pour se dire aussi qu'à un moment donné, il faut poser la question sur le plan politique, c'est-à-dire on ne peut pas simplement colmater, essayer de rafistoler en fait les pires situations qui puissent exister, que ce soit en termes humanitaires ou que ce soit en termes d'accès aux droits, mais qu'à un moment donné, il faut des politiques qui soient différentes et qui ne créent pas ces effets-là. Pour info, le texte du lancement des états généraux est sur ton blog, hein, en date du 16 janvier, je crois. Oui, et de toute façon, il y a un site des états généraux des migrations. On trouve les informations réactualisées aussi. Donc, avec un moteur de recherche, on le retrouve assez facilement. Mmh. Alors, un point, je voudrais revenir là-dessus, et puis le titre de l'émission, Macron pire que Sarko, je ne vais pas dire ton sentiment, mais quels sont les éléments que tu relèves dans les choix qui vont être ou qui ont déjà été faits dans la politique de notre président et de son ministre à l'Intérieur? Oui, sachant que c'est des politiques qui s'articulent aussi au niveau européen. Donc c'est pas une singularité française, et c'est aussi l'une des difficultés qu'on a si on raisonne en termes de changement de politique, c'est qu'on a des niveaux de décision différents qui s'ajoutent les uns aux autres et qui se verrouillent les uns les autres, quoi. On a à la fois les politiques des États, on a les politiques de l'Union européenne, on a des pressions entre États, des jeux de pression, sachant que du côté de la France, en fait, avec le Royaume-Uni, ça a souvent été un couple qui a fonctionné dans un sens, au niveau des instances européennes, de durcissement des politiques migratoires. La logique, c'est effectivement que les gens n'arrivent pas sur... En tout cas, les personnes qui arrivent des pays du Sud... notamment les personnes qui sont en situation de demander l'asile, donc d'accéder à des droits, arrivent le moins possible sur le sol européen directement, qu'ils soient cantonnés dans des pays à l'extérieur. Alors je parlais tout à l'heure du Niger, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de ce côté-là. Dans les autres partenaires de l'Union européenne, dans le cadre de cette politique, il y a aussi le Soudan, ce qui est encore plus inquiétant. Alors le Niger, parce que pays très pauvre et qui n'a pas forcément le choix à partir du moment où il y a un chantage financier. Le Soudan, parce qu'il y a une opération de blanchiment d'un chef d'État qui est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Donc il joue en fait avec l'Union européenne sa réintégration et son son honorabilité dans le concert des nations en fait. Donc on a ce deal avec un pays en plus que les gens fuient parce qu'ils fuient la guerre civile et parce qu'ils fuient une dictature. Donc on a ces choses qui se mettent en place de cantonner les demandeurs d'asile loin. Et du coup, d'en faire venir des quotas de manière discrétionnaire, comme on peut faire venir des quotas de travailleurs, ou comme on peut choisir finalement des profils de personnes susceptibles d'immigrer et rejeter d'autres profils de manière discrétionnaire en fonction d'objectifs à court terme liés notamment au marché du travail. Mais il joue un peu seul quand même, Macron, dans cette histoire, puisque. La moindre chose qu'il aurait pu faire, c'est d'emmener le gouvernement ou une partie du gouvernement italien en Libye pour négocier avec la Libye. Il fait ça tout seul quand même. D'un autre côté, les règles ou le nouveau règlement qui consiste à aller voir dans les centres, les KS, enfin les centres d'accueil, et demander les papiers des gens, c'est quand même une politique particulière. C'est pas. Est-ce que l'Allemagne fait ça? J'en doute. L'Allemagne, pour l'instant, les discussions sur la grande coalition qui risque de se former entre le SPD et la droite, les sociaux-démocrates et la droite, ça comprend des quotas d'accueil dans le cadre du regroupement familial. Donc là encore, un droit qui est garanti par les conventions internationales de vie privée et familiale. Et d'autre part, des quotas d'accueil de demandeurs d'asile, ce qui est en violation parfaite avec la Convention de Genève. Donc, on a effectivement eu cette ouverture de l'Allemagne et ce coup qu'a joué Angela Merkel en 2015. Elle s'est pris des sacrés coups sur les doigts et l'Allemagne a un rôle moteur aussi, notamment dans la politique vis-à-vis du Soudan. A eu un rôle moteur par rapport à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie qui prévoyait que les exilés arrivés en Grèce puissent être renvoyés en Turquie sans que leur demande d'asile soit considérée. Donc, il y a eu un revirement de la politique allemande et actuellement, les jeux de politique intérieure font qu'on risque d'avoir une politique extrêmement restrictive et en contradiction avec les conventions internationales. Oui, enfin, on a des exemples. René, peut-être. Simplement, j'ai ici donc Patrick Bailly, qui est historien et politologue, spécialiste de l'immigration. Donc ce sont ces termes. Aucun gouvernement, je parle de la France, aucun gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait osé aller jusque-là en matière de politique restrictive d'immigration. D'autre part, il paraît que Macron va rencontrer Theresa May et il est question de favoriser pour l'Angleterre le regroupement familial justement, mais c'est justement dans le cadre de cette politique de quotas illégale, je suppose. Alors j'ai pas les derniers développements par rapport au Royaume-Uni. Il y a la question du regroupement familial dans le cadre du règlement Dublin 3 pour les demandeurs d'asile par exemple, et du regroupement familial pour les mineurs étrangers isolés qui se posent et qui peut faire l'objet d'une négociation, effectivement, parce que ça fait partie des personnes qui sont bloquées à la frontière britannique. Par contre, il n'y a pas de remise en cause globale sortie de ces aménagements, mais de ces aménagements qui sont déjà contenus dans les textes, en fait. C'est-à-dire qu'un mineur isolé étranger qui se trouve en France, et notamment qui souhaite faire une demande d'asile, s'il a des membres de sa famille proches réfugiés au Royaume-Uni, en fait, selon Dublin 3, le pays responsable de sa demande d'asile, de son accueil, donc, c'est le Royaume-Uni. Idem entre mari et femme, etc. Donc il y a des cas de regroupement familial, il y a des cas d'interprétation positive du règlement Dublin 3 qui sont possibles. Par contre, les procédures sont pas mises en place. Elles sont pas mises en place du côté des préfectures françaises, elles sont pas mises en place du côté des autorités britanniques. Mmh. Et on se souvient peut-être du moment de la destruction du bidonville de Calais, mmh. où les mineurs ont été emmenés dans des centres ad hoc, où ils ont été rencontrés, alors hors dispositif de la protection de l'enfance et hors de tout cadre légal français, ils ont été maintenus dans ces centres quand ils y sont restés, le temps que le Home Office vienne voir qui ils acceptaient de prendre et qui ils n'acceptaient pas de prendre. Donc il y a eu un tri. Le Home Office britannique a répondu aux questions du gouvernement français en disant qu'il ne justifierait pas de ces décisions de rejet, donc pas de possibilité d'appel contre ces décisions-là, parce qu'il s'agissait d'une procédure discrétionnaire. Donc il n'y a pas de procédure pour l'instant qui fonctionne vraiment. Oui. Pour ces regroupements familiaux dans le cadre de la demande d'asile ou par rapport à la situation de mineurs isolés. Donc effectivement, il peut y avoir une discussion entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Oui, il faut savoir quand même que ces procédures ne fonctionnent pas non plus auprès des préfectures françaises. D'ailleurs, c'est extrêmement dur de faire interpréter Dublin, le règlement Dublin 3, par les préfectures françaises, dans ce sens-là, et d'enclencher à leur niveau les démarches. Ça coince des deux côtés, en fait. Alors, actuellement, puisque cette réunion entre notre président et la première ministre britannique a eu lieu cette semaine, on sait un peu plus de choses. C'est qu'il devrait améliorer, réduire le temps pour le traitement des dossiers, notamment pour les mineurs. Et plus curieux, c'est qu'il est question d'une cinquantaine de millions d'euros que investirait l'Angleterre pour la sécurité. Ce qui désespère d'ailleurs les élus calaisiens, puisqu'ils pensaient que les 50 millions serviraient au développement économique. Ils rêvaient un peu, je crois. Mais si 50 millions s'étaient vérifiés, c'était compréhensible il y a 3 ans, quand il y avait 10 000 migrants à Calais pour la sécurité, compréhensible, enfin, je mets ça entre parenthèses, maintenant ils sont 300 ou 400, ça n'a plus beaucoup de sens. Oui, mais c'est une continuité en fait du renforcement des contrôles à la frontière. En fait, c'est pas déjà au moment où les premières grilles ont été mises autour du port de Calais, puis du périmètre du tunnel sous la Manche et de la gare TGV de Calais, les Britanniques avaient fourni des scanners pour scanner les camions. D'autre part, dans les accords qui avaient été conclus en 2009, c'était en parallèle avec tout le battage médiatique qu'avait fait Besson autour de la jungle de Calais, enfin la jungle des Afghans, et qui s'était soldé par la destruction très médiatisée de ce bidonville et autour d'autres squats et d'autres bidonvilles. Il y avait eu cette année-là aussi des accords franco-britanniques qui prévoyaient des aménagements dans le port de Calais et qui prévoyaient une répartition des coûts, en fait. Les infrastructures étant financées par les Français, les équipements de contrôle étant financés par les Britanniques. Et puis, on a depuis 2015 eu d'autres accords, en fait, qui font que les Britanniques ont abondé un fonds qui servait à financer les nouveaux dispositifs dits de sécurité autour du port, du tunnel, etc. Donc c'est la continuité d'une politique où en fait Les contrôles se font sur le sol français et les Britanniques financent un certain nombre de choses par rapport à ces contrôles. Oui, en tout cas, on va terminer là-dessus d'ailleurs, mais si tu veux conclure, rien d'optimiste en l'occurrence de ce point de vue-là, puisqu'on n'assiste qu'à un renforcement des contrôles d'un État qui devient de plus en plus policier. Oui, et si on veut revenir à la frontière britannique, en fait, les accords qui régissent les contrôles à la frontière, en fait, sont des accords bilatéraux franco-britanniques. Mais les accords donc, du Touquet, en fait. Ils ne sont absolument pas remis en cause par la future sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, il n'y a absolument pas d'automatisme de les renégocier. Il n'y a absolument pas de volonté française. Cazeneuve l'avait dit juste après le vote sur le Brexit à l'époque, en fait, il n'y aura pas de renégociation de ces accords et c'est visiblement la ligne qui est suivie par le nouveau gouvernement. Donc, de ce côté-là, pas de changement à l'horizon. Non. Bien, il ne nous reste plus que l'optimisme de la volonté pour reprendre Gramsci. On te remercie, Philippe, d'avoir participé à cette émission et nous souhaitons que tu continues ton travail de passeur d'hospitalité, comme tu dis un si beau mot. Merci. Et les gens autour, noyés de misère. En partant d'ici, pour quel paradis ou pour quel enfer? J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier. Sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure. Je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire. C'était Juliette, Aller sans retour. Avec une musique lourde et significative. À propos de la vie des migrants qu'on a abordé avec notre invité Philippe Poinçon, voilà un film qui tombe à pic. C'est un film documentaire que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première mardi dernier. Le film s'appelle « Un jour ça ira » de Stan et Edouard Zambo, en sortie en salle le 14 février. J'en dis un mot quand même. Stan, le réalisateur, et son frère journaliste ont passé 2 ans à filmer l'archipel, qui est un centre d'hébergement d'urgence dans le 8e arrondissement de Paris, tenu par une association assez remarquable, Concorde. Là, vivent dans un confort très relatif 75 gosses, avec leur mère et leur tantine, en tout 50 nationalités. Comme dramaturgie, je rappelle que c'est un film documentaire, les deux auteurs ont choisi de laisser la parole à deux gosses, aux gosses en général, mais à deux en particulier. L'un est Jibi, qui a trouvé dans l'écriture d'un texte, qui va paraître d'ailleurs dans Libération, il y a 2 ans maintenant, un texte qui parle de sa vie. Où sont mes racines? C'est une anaphore, qu'il répète et qu'il découvre, lui qui découvre sa double nationalité, italienne et française, alors que ses parents sont sénégalais, pays où il a évidemment jamais mis les pieds. Belle personne ce gosse, qui se défie avec humour de serial déménageur, il n'arrête pas de déménager, on sait pourquoi. Et une jeune adolescente comme lui, qui elle se réfugie plutôt dans la chanson. Voilà, ne croyez pas du tout à une bluette avec avec ce film. Le déménagement, ils vont le vivre douloureusement, puisqu'ils pensaient tous se retrouver à Nanterre, mais non. Le préfet intervient pour placer là, en surplus du nombre déjà, 140, je de mémoire, 140 squatteurs des rues de Paris. Voilà. Un film que j'ai bien aimé, que j'ai bien apprécié, qu'il faut voir à mon avis. Ça s'appelle, je répète, Un jour ça ira. C'est un film documentaire, j'insiste, de Stan et Edouard Zambo, et en sortie en salle le 14 février. Eh mais c'est René qui va prendre la parole maintenant. Oui, donc pour les activités d'attaque. Alors d'abord au plan national. Alors, Apple et BNP Paribas veulent nous réduire au silence. L'année des 20 ans d'attaque, puisque oui, cette année, attaque va fêter ses 20 ans, cette année débute par deux procès inédits face à Apple, la plus grande multinationale du monde, et BNP Paribas, la première banque européenne. Mardi 6 février à 8h30, Nicole Briand, militante d'attaque, est convoquée devant le tribunal de grande instance de Carpentras à la suite d'une plainte déposée par BNP Paribas. Pour... Elle fait cette dame. Pour rappel, Nicole Briand avait participé à une action de fauchage de chaises dans l'agence BNP Paribas de la même ville. C'était le 17 mars 2016. Elle risque quand même 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour vol en réunion et refus de prélèvement d'ADN. On aurait pu presque l'accuser de terrorisme. C'est pas loin. Pour info, les chaises ont été remises symboliquement au trésor public. Une semaine plus tard, lundi 12 février, attaque est convoquée devant le tribunal de grande instance de Paris à la suite d'une assignation en référé déposée cette fois par Apple. La marque à la pomme demande l'interdiction pour attaque de pénétrer dans ses magasins pour une durée de 3 ans, sous astreinte de 150 000 euros par violation de l'interdiction. Bon, une bagatelle. La raison ? Empêcher les actions futures dans les Apple Store telles que celles menées le 2 décembre 2017, où d'ailleurs à Lille nous nous sommes un peu distingués. En effet, René. Attaque appelle à une large mobilisation des citoyens et citoyennes, des forces sociales et politiques, et accuse Apple et BNP Paribas de pratiquer l'évasion fiscale à grande échelle, avec tous ses effets dévastateurs sur la démocratie et les finances publiques. et de chercher à neutraliser les citoyens et citoyennes, journalistes, lanceurs et lanceuses d'alerte qui agissent dans l'intérêt général en dénonçant l'impunité fiscale dont jouissent les ultra-riches et les multinationales. Oui, en plus, ça attaque, on ne se contente pas d'accuser, on prouve aussi. Voilà. Alors, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, une victoire. Il faut maintenant enraciner l'avenir de la ZAD. Depuis des années, ATAC s'est engagé dans la lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous avons toujours dénoncé ce projet inutile, nuisible et imposé, destructeur de terres agricoles et de la biodiversité du bocage, dévoreur d'argent public au profit de Vinci, et en contradiction complète avec la lutte contre le changement climatique. En plus, l'abandon du projet d'aéroport annoncé par le gouvernement ce mercredi 17 janvier est donc, pour les opposantes et les opposants, un formidable acquis de la lutte collective, porteur d'espoir pour d'autres luttes. Ce n'est toutefois qu'une première étape. Bien avant le début de la médiation décidée par Emmanuel Macron, l'ensemble des composantes du mouvement anti-aéroport se sont engagées dans la gestion collective des terres et des communs, l'air, l'eau, les fossés, les haies, les chemins, les bois, etc. Prémisse d'un autre monde fondé sur des formes alternatives de production et de consommation et sur la solidarité. Sans la ZAD, l'aéroport aurait été construit. Donc, son apport à la victoire est inestimable et implique solidarité et soutien de notre part. Comme l'exprime la déclaration commune de nombreuses associations, ONG et syndicats publiée récemment. Je crois que vous en avez parlé au cours de la dernière émission. Ces organisations, dont bien sûr ATAC France, appellent Emmanuel Macron et le gouvernement à suspendre immédiatement le projet visant à évacuer tout ou partie de la ZAD par une opération militaro-policière. Nous appelons aux rassemblements locaux de soutien à la ZAD et à rejoindre massivement la mobilisation du 10 février, à Notre-Dame-des-Landes. 3 ans après, LuxLeaks, donc l'affaire LuxLeaks au Luxembourg, PricewaterhouseCoopers est enfin sur le banc des accusés. Donc, dans l'affaire du LuxLeaks, c'est désormais autour du cabinet d'audit et du conseil de, on va l'appeler PwC, de répondre devant la justice. Le 9 janvier prochain, PwC est en effet assigné en référé devant le tribunal de Metz à la suite d'une plainte déposée par Édouard Perrin, journaliste d'investigation, et Raphaël Allais, l'un des deux lanceurs d'alerte du LuxLeaks. Avec Antoine Deltour, je pense que vous vous rappelez. Les actions du PwC lors de l'enquête menée contre son ancien employé, Raphaël Allais, ont porté atteinte à la protection des sources du journaliste. Pour information, les cabinets d'audit et de conseil de type PwC ont un rôle clé dans les processus d'évasion fiscale, notamment les rescrits, c'est-à-dire les négociations des prix de transfert entre État et multinationales. Eh bien, on a terminé là-dessus. Merci René pour ces précisions. Toutefois, au plan local. On va donc terminer là-dessus. Et puis, nous vous souhaitons un bon week-end, un pluvieux. Voilà, on fait avec. À bientôt et dans un mois maintenant, le 17 février.